fois pour nous penser. Les bouches à ken pas communiquer. Mentalement nous contrarier. Faut mille gars trouver qu'ils sont audacieux. Les femmes pour ses amis ou liés. Ou abjouer l'amour n'en face caché. C'est mentir ou pas changer. Façon agir à contredit senti. Que wap jwe la vi won dede. Comprendre l'amour son jouet lié. Façon agir à contredit senti. Refuser accepter pas qu'à changer. Bouche à tout, bouche à nous. Mais ou pas d'amour. Bouche à tout, bouche à nous. Wap caché sentiment. Bouche à tout. Jalousie, les yons amis ou à parler de lui, ça pas d'a de déranger, parce qu'on dit ses amis ou lié. Son vérité pas qu'à cacher.